Bon, qu'est-ce qu'on a, les gars? On a une grosse industrie ciné qui roule sur tout le monde. C'est tout ce qu'on sait? Non, ils ont créé un univers à part entière, encore jamais égalé. Ouais, ça risque d'être compliqué. Non, non, t'inquiète pas, il suffit juste de s'attaquer au gros morceau. Quoi, tu veux dire que... Oui, monsieur. Bon, émission spéciale, on fait la rétrospective de l'univers Marvel au ciné. Ouais, mais on va se limiter aux Avengers. Bonsoir et bienvenue dans Culturims. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, une émission un petit peu spéciale. On va parler de la trilogie Avengers. Je suis Florent et je suis ce soir avec mes trois compères habituels, Thomas. Bonsoir, de retour. I'm back. Eh oui, et I'm back, c'est pas dans Avengers ça, c'est, oui, dans... c'est vrai, autant pour moi. Voilà, c'est un autre film. Nous sommes aussi avec Arthur. Bonjour, bonjour à tous. Ah, non, je n'ai pas de blague, j'y ai pas réfléchi. Pas de blague. Non, ok, y en a d'accord. Pas. Ok, bah c'est spécial, vraiment comme émission. Et nous sommes aussi avec Erwan. Ben bonjour mes petits chérubins. Mes petits chérubins, putain, toujours du mal avec ces trucs-là. Non, j'adore moi. C'est ok, eh bien, on va commencer, si vous le voulez bien, par Avengers. Alors, Avengers. Avengers est un film américain de 2012 qui dure 2h20. Il est écrit et réalisé par Joss Whedon. Joss Whedon, qui est le créateur juste de petites séries comme Buffy contre les vampires, Angel, Firefly, Dollhouse et Les Agents du Shield. Laurent Dollhouse. C'était sûr, voilà. C'était sûr que ça allait sortir. Il a pas fait sa vanne au début, il l'a fait maintenant. Il va manger sur le reste de l'émission. C'est ça, il va faire que ça. Ce film est le sixième du Marvel Cinematic Universe et il clôture ce qu'on appelle plus communément la phase 1 du MCU. Alors, je ne sais pas, vous avez regardé les films normalement avant d'enregistrer. Je pense qu'il y a une petite référence à cette phase 1 et au fait que ce soit clôturé parce qu'il parle tout au long du film. Il y a plusieurs personnages qui demandent à quoi correspond la deuxième phase que Fury veut lancer. Je sais pas si. C'est vrai. J'ai pas tilté en fait quand j'ai préparé le truc. J'ai fait ah oui, mais en fait, oui, ils en parlent de cette deuxième phase. Du coup, la première phase du MCU, elle est composée de 6 films, parmi lesquels on retrouve Iron Man, l'incroyable Hulk, oui, il en a fait partie, oui. Iron Man 2, Thor et Captain America, avant d'arriver voilà, justement au film qui nous intéresse. T'es en train de compter sur tes doigts, Arthur, je sais, j'ai regardé, c'est bon, t'inquiète pas. Non, on a bien les 6, c'est bon. Ouais, bah oui. Le compte est bon. Côté casting, il y a un casting assez fort, enfin un casting assez fort maintenant, parce que à l'époque, c'était peut-être pas forcément des grosses. Non, pas tous. Des grosses restars. Oh, Scarlett Johansson, clairement. Du coup, on retrouve Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth. Ouais, l'accent, je sais. Ça tient bien. Ouais, Jeremy Renner. Par contre, là, plus aucun accent. Jeremy Riné. Et Mark Ruffalo, ainsi que Samuel L. Jackson, si peu. Tom Hiddleston et Cobie Smulders. Cobie Smulders qui joue Maria Hill et qui a joué I Met Your Mother. Globalement, le film, il a reçu de bonnes critiques et je pense qu'il a aussi posé ses couilles sur le cinéma américain. Hein. Il a établi plusieurs records. Donc le premier meilleur week-end d'exploitation aux États-Unis et le film le plus rapide à atteindre 1 milliard de dollars. Ça si va, peu. C'est honnête. C'est honnête, c'est assez... Ouais, mais en fait, c'est que le premier. Vous allez voir pour après, vous allez faire « Oh putain oui. ». Au total, le film a engrangé 1,519 milliards de dollars, ce qui équivaut environ à 5435 fois le montant engrangé par le baltringue. Yes, exactement. Je savais qu'il arrivait celui-ci. Non, mais c'est bien qu'on fasse des petits repères comme ça entre émissions pour savoir de combien de baltringues on est en fait. Voilà. Pour un budget de 220 millions de dollars, soit environ 55 fois le budget du baltringue. Et du on coup. On est pas sur la même échelle quand même. Là. Non, pas trop. Après, c'est peut-être parce que c'est américain, ils mettent un petit peu plus de budget. Voilà. On avait quand même Vincent Lagaffe dans le casting, nous, donc voilà. Avec des cheveux. Bah, il prend le plus gros du budget. Ah, le cachet, salaire, ouais, c'est clair, sans cachet. Du coup, l'histoire. L'histoire raconte comment l'équipe des Avengers s'est créée après que Loki se soit emparé du Tesseract. Le Tesseract qui est un artefact qu'on a déjà vu dans Captain America. Pour faire venir sur Terre des extraterrestres, les Chitauri, et prendre le contrôle de celle-ci. Du coup, on va passer maintenant au qu'est-ce qu'on en pense. Thomas, Arthur, Erwan, je vous laisse la parole. Bah, peut-être que je vais commencer alors. Vas-y. Ouais, d'accord. Et bah, j'ai trouvé dommage l'interprétation de Batman dans ce film-là. Voilà, c'est mon petit point négatif personnellement. Trouvé moyen. Il était tout vert, il était gros, il était tout vert, j'ai pas trop compris. Et puis il manquait sa cape. Et puis il avait pas de masque et tout. Non. En plein jour, c'est complètement con. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que José Garcia, il était excellent dans le rôle de Tony Stark. Très très bon. Très très bon. Non, sinon c'est un film que j'ai vu il y a longtemps. Et que j'avais bien apprécié. J'aimais bien le petit running gag justement avec Hulk et Loki, où il le prenait comme un petit chiffon et qu'il faisait boum boum boum de chaque côté. C'est vrai que hommage au cartoon. Mais c'est franchement donc super sympa. Et c'est vrai que il foutait une claque. Genre quand il est sorti, quand j'ai vu pour la première fois, tu prenais quand même une bonne mandale. Je pense que effectivement, il a bien posé ses testicules, parce que moi je vais rester quand même plus correct que toi, Florent. Très bien. Et ouais. Très très sympa. Ok, bah ce fut rapide. Je veux dire, voilà, quand quelque chose est bien, quelque chose est bien, on va pas. Oui, non, mais c'est vrai qu'à la sortie, il a mis une grosse claque dans la gueule. Ce dont je me rappelle aujourd'hui, c'est encore. Oui, moi aussi. Mais je pense qu'aussi, on était dans un contexte où ça faisait très longtemps, on n'avait pas eu un film qui regroupait des super-héros. N'a jamais existé en fait avant les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, non, c'est une équipe de super-héros, mais en fait, c'est pas Batman et Robin, tu vois. C'est du sarcasme. T'as raison, c'est vraiment une équipe, mais après, pour moi, c'est pas des super-héros qui peuvent être indépendants dans leur coin et qui après peuvent se réunir quand il y a une menace plus grande. Là, les 4 Fantastiques. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Bon, c'est surtout qu'il y avait l'engouement. Enfin, il y avait justement, comme tu as dit, il y avait les 5 films qui étaient sortis avant. Oui. Puis tu avais hâte de les voir réunis. C'était l'apogée. Tu disais, waouh. Wow. Tu disais, on pourra jamais aller plus loin, on disait à l'époque. Et au final. Ben, si. Et non, moi, je trouve que c'est un bon film. L'histoire est cool. Ouais. Les effets spéciaux étaient bons. Moi, j'ai pas revu depuis. Mais les effets spéciaux. Mais pour moi, les effets spéciaux étaient plutôt bons. Étaient pas mal. Hein. Même la si... ville de New York et tout a été bien faite. Même si je trouve que le film a déjà un peu vieilli. Ouais. Je trouve ça dommage pour un film qui est sorti en 2012. Merde, quoi. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment un bon film, mais tu te rends compte que les progrès techniques vont si vite que Infinity War, ça calme tout. Moi, mon seul. J'ai un petit effet les petites particules, quand ils se transforment en petites particules. Moi, je trouve que les effets spéciaux sont bien, mais un truc qui m'a fait un peu rire, c'est les costumes. Enfin, je trouve que les costumes sont un peu. Genre celui de Thor. Je l'ai regardé récemment. Eco Plus. C'est un peu acheté à la foire fouille. Mais j'ai envie de te dire, Thor, dès le premier film, c'était un peu cheapos quand ils sont sur Asgard, les costumes, les machins. Non, mais sans le revoir, c'est justement, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai écouté le Floodcast, ils ont fait une émission spéciale sur les films du MCU, ils parlaient de Thor, mais c'est vrai que quand tu y repenses, Asgard, allez, on vous a donné des déguisements, on est allé acheter à la foire fouille, voilà, et puis du coup, on avait un budget de 27 euros, du coup, voilà, vous avez ce que vous avez, démerdez-vous. Non, mais sinon, l'histoire reste cool, c'est un bon film et tout, c'est toujours plaisant, plaisant à voir. Oui, en effet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il se passait vraiment que sur une journée. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se réunissent dans le porte-avions volant. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, un porte-avions qui vole. Enfin bref. Et après, hop, c'est un héliport. On part sur une base d'héliport en fait. Et direct, après, ils sont déjà à New York. Mais bon, ça se déroule très bien pour autant. L'intrigue est cool. Moi, j'aime bien. C'est vrai. Arthur ? Alors, la vie tranchée d'Arthur. Non. Ravi Malek. Non, moi je suis pro DC. Je préfère l'univers DC, je préfère les super-héros de DC, donc, et je sortais de la trilogie Batman. Pourquoi tu préfères les super-héros DC ? Parce que, en fait, Batman m'a foutu une claque, le Batman de Nolan. Hein. Pas celui de Burton, parce que celui de Burton est plutôt bon aussi. Oui, mais Burton, ça fait un peu cartoon dark, on ne sait pas trop. Il y a un entre-deux. C'était le but. Voilà, après, tu as Schumacher, Joel Schumacher. Bon, mais parce que Michael Schumacher, ça fait bien longtemps qu'il a arrêté de réaliser Batman. Ouais, non, non, Joel, je me suis pas trompé là, pour une fois. Non, non, et puis ce film est d'une. Non, non, mais quand t'es petit, tu vois ce Batman-là, tu fais, oh, ça a l'air cool. Ouais, bon, après, quand tu vieillis, bon. J'ai peur qu'on dérive, les gars. Bon, bref, je suis sorti de la trilogie Nolan, qui était pour moi exceptionnelle, et je me suis dit, allez, Marvel, qu'est-ce que ça peut donner ? À part Iron Man, je vois pas quel héros est plus charismatique qu'un mec de DC. Donc Iron Man 1, très bien, j'ai bien aimé. Hulk, non. Captain America, bof. C'était quoi l'autre après ? Thor. Thor. Ah, Thor, si, j'ai bien aimé l'histoire. C'était, t'as bien aimé ? Je me souviens qu'à l'époque, tu m'avais dit que tu ne voulais pas voir ce film parce que tu trouvais que le mec avait le charisme d'une huître. Et bah oui, mais c'était avant de l'avoir vu. Et finalement, le film est bien réalisé. Ça fait un peu Les Visiteurs, hein, le Thor qui arrive chez les humains. une autre tasse. Boum. Tu fais bon, ce petit décalage me fait rire. Exactement, c'est exactement ce qu'ils ont dit dans le Floodcast aussi. Ça fait, c'est les vannes de Visiteurs avec beaucoup de moins de vannes sur le caca. Oui, voilà, c'est ça. Pourtant, les Américains sont très forts sur le caca. Mais bref, voilà, Thor, finalement, c'était la bonne surprise. Et il y en a eu un autre. Iron Man 2, j'ai pas aimé. Enfin, très moyen en tout cas. Et le 3, il fait partie de la phase 1, c'est ça ? Le 3, il fait partie de la phase 2, je crois même. Donc, c'était lequel film avant Avengers ? Il y a Hulk. Oui. Incroyable Hulk, c'est, pas le premier, c'est celui avec Edward Norton. Je trouve que c'est et Captain America. Voilà. Et Captain America. Captain America que j'ai moyennement aimé. Voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner, à part s'ils réunissent tout le monde, ou il y a juste Iron Man que j'aime bien. Et puis finalement, ils se sont sortis avec les honneurs et même plus. J'ai adoré Avengers. Moi, je trouve que, si je peux me permettre, Hulk, c'est le seul loupé qu'il y a eu sur ce cinématique univers. Je trouve qu'il est dommage. Puis c'est dommage de ne pas avoir réussi à garder Edward Norton. Je trouve qu'ils l'ont. Ouais, mais alors, oui, du coup, ils ont bien comblé ce problème. Ils ont bien retravaillé sur les derniers, sur Infinity War. Il est quand même vachement mieux qu'au début, Hulk. Ah, Hulk, oui, tu veux dire, ouais. Dans les effets, oui, d'accord. Mais moi, je trouve que dans les effets, est pas... Mais ouais, c'est ça. En fait, ah, dans son histoire, il n'y a aucune cohérence. Parce que tu regardes l'incroyable Hulk, et après, tu regardes Avengers. Et en fait, dans l'incroyable Hulk, il fait genre du yoga, des trucs comme ça. Et dans Avengers, il te balance, bah, en fait, mon secret, c'est que je suis tout le temps vénère. Bah, ça va pas du tout avec... Alors, donc, tu peux faire du yoga et être un peu énervé. Hein. Non, mais ils ont fait une sorte de reboot qui au final oui, mais de toute façon, après tout le monde s'en fout parce que il y a pas grand monde qui a vu l'incroyable Hulk. Non, mais c'est le plus oublié, je pense, dans les films. Après, c'était le début du MCU, ils ont tenté Iron Man, ils ont vu que ça a marché, et en parallèle ils faisaient l'incroyable Hulk. D'accord, donc ils n'avaient pas encore la recette Marvel, c'est MCU. Ouais. Et puis donc là, ils ont vu que ça peut marcher, l'incroyable Hulk, donc c'est allez, on part comme Avengers, comme Iron Man, on fait dans le même style. Et là, ça s'est lancé. C'était un pari de ouf, frère. De toute façon, quand tu fais une grosse franchise comme ça, avec plusieurs films, plusieurs épisodes d'affilée, t'as forcément un moment des trucs qui coincent. Ils sont obligés de revenir sur les trucs qu'ils avaient installés avant ou pas, justement. Ouais, mais enfin, en soi, il n'y a pas eu le temps de louper que ça. Justement, à part Hulk, c'est là où je voulais en venir. Le problème de Hulk, il est un peu minime, on va dire. Voilà, c'est un mini défaut, alors qu'ils auraient pu se louper sur plein d'autres trucs vis-à-vis des films d'avant. Quoi. Je serais loupé sur Iron Man, ça aurait été mort, je pense, le MCU. De toute façon, oui, c'était le début du pari, c'est clair, ce que j'allais dire. C'est un pari de ouf de se dire, bon, allez, on fait un film, on va faire plusieurs, puis si ça marche, on part aussi loin. Enfin, c'est ouf d'avoir réussi à partir aussi loin dans ce cinématique univers. Surtout quand on connaît le contexte de Marvel à l'époque, mais on y reviendra. Bah, c'est ça. Après, je voulais dire une chose, ça a peut-être aussi mal vieilli, parce que c'est pas tourné avec des décors réels, Avengers. C'est beaucoup de fonds verts, de choses comme ça. Bon, je recompare au Nolan, au Dark Knight, où tout est en. Ouais, mais je trouve que t'as dans les rues réelles. Si tu veux, avec Christopher Nolan, t'étais plus dans que ça se résumait à des costumes et des explosions. Alors et puis que c'est plus réaliste, Nolan, que là, c'est vraiment. Allez, il y a les extraterrestres qui débarquent. Que Batman, voilà. C'est oui, pas, non, mais par exemple, les rues de New York, tu vois qu'au fond, bon, oui, c'est du fond vert. Alors que Batman, c'est vraiment dans Chicago, ils ont fait péter un hôtel. Non, pas un hôtel, un hôpital. Un vrai hôpital. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. Dans Avengers, non, on sait que c'est du fond vert, on sait que c'est des fausses explosions, sauf pour les explosions proches caméra, là où c'est des petits pétards, quoi. C'est des bisons, quoi. Des tigres. C'est wow. Ça, des mammouths. Donc voilà, après, c'est juste le petit défaut que j'ai. Oui, effectivement, ça a un petit peu moins bien vieilli, mais c'est parce que c'était les fonds verts de l'époque. Ouais, mais enfin, ça veut dire que de 2012 à 2019, waouh! Il y a eu quand même un grand écart. Enfin, quand tu regardes les génériques à la fin des films, tu vois le nombre de studios d'effets spéciaux qui ont travaillé sur un film. Au moins 15. Ouais, c'est un truc de fou. Juste pour un effet, je pense que chaque fois, ils sont au moins 3 ou 4 en train qui fait le feu, l'explosion. Enfin, c'est ça. Assez ouf. Mais bon, pour tout ça pour dire qu'ils faisaient ça sur Windows Vista. Hein. C'est énorme. Sur Paint. C'est ça. Et ben les gars, sacré boulot. Moi, j'ai trouvé que le film, il était comme tous les autres Avengers. Par rapport à un film de super-héros, on va dire classique, je trouve qu'il est hyper rapide dans sa mise en place. Enfin, je veux dire, t'as 2 minutes de film, t'as déjà Loki qui fait « Eh, salut, je vais vous enculer !» Ok, bon, bah... Ouais, mais en même temps, c'est pas plus mal, c'est un peu ce qu'on lui demande. Tu réunis plein de super-héros, t'as envie de voir la castagne. Ah oui. Et puis ils se disent... On a vu les films précédents, on sait qui est qui. Il y a plus besoin de présenter. Le storytelling, voilà, c'est ça, tout le storytelling, bah, tu le zappes. Mm-hmm. Ouais, tout le monde connaît Loki, c'était le méchant du début. C'est ça. Allez, on est d'accord, c'est peut-être le meilleur méchant de Marvel avec Thanos. C'est un des meilleurs méchants, oui, c'est clair. Ah oui, non. Après. Après, moi, c'est mon préféré. Après, il a pris toute. Parce que, ouais, il est là depuis longtemps aussi. Hein. Bah, et puis, il a pris toute son ampleur dans Avengers. Puis, il est mort. Hein. ça spoil sans scrupule. Quoi. Ça a calmé tout le monde. Non, mais en fait, il est mort plusieurs fois. Hein. Il est mort dans Thor. Il est mort dans Thor 2. Il est mort dans Tortue 3. Parce qu'il est mort. Tortue. Allez. On se rappelle. Enfin, surtout, j'imagine Tom Hiddleston, à chaque fois qu'il lit le scénario, à chaque fois il crève. À chaque fois, il se dit, mais c'est pas possible. Je meurs. Et à chaque fois, Kenny de. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, il a la surprise de dire, bon, en fait, tu reviens parce qu'on a besoin de toi. Et ben là, on va. Je peux juste faire une petite aparté. Vas-y. Tu viens de parler de Kenny et Arthur. Et ben ça fait 2 mois là bientôt que j'ai adopté un petit lapin que j'ai appelé Kenny justement en l'honneur du Kenny de South Park parce qu'il est voué à mourir, ce petit con. Voilà. Mais il est trop mignon sinon, j'adore. C'est un billet d'humeur ça. Non, c'était storytelling. Moi c'était mon instant storytelling. C'est un fait. En 2 minutes, je vous pose les bases. Tac. Si un jour je ramène un petit civet de lapin, vous saurez d'où ça vient. Ok, d'accord, très bien, merci. Pour continuer sur Avengers, je reviens sur un truc. Quand Bruce Banner tombe là sur de Lily Porter et qui tombe sur un immeuble, c'est un vieux qui le réveille. Moi, j'ai juste trouvé ça dommage que ce soit pas Stan Lee. Et en fait, je me suis fait la réflexion. Le truc aurait pu être excellent. Et en fait, tu le vois juste à la fin dire « Des extraterrestres dans New York, vous y croyez ?» Enfin, alors que là, il aurait pu avoir un vrai discours avec le machin. Ouais, mais le truc, c'est que là, vu qu'il y a un vrai discours justement avec un personnage, ça lui attribuait un rôle, si tu veux. Et là, ça aurait pas été logique qu'il ait d'autres rôles après dans les autres films parce que c'est un petit rôle à part entière quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas un rôle qui aura de l'impact sur les autres films. C'est pas le petit vieux que tu vas revoir dans Avengers 2. Mais je me suis fait la remarque aussi. Je me suis fait la remarque. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être bien. Juste, c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur ce film? La scène où ils sont à New York, où il y a l'invasion des extraterrestres, où ils enchaînent les uns après les autres en. Comment on appelle ça? Quand c'est pas coupé. Une scène qui n'est pas coupée en plan séquence. Voilà. La scène en plan quand séquence. Quand ça tourne là comme ça. Voilà, ça passe de héros en héros. Il se passe en gros les méchants. Cette scène, elle est monumentale. Joss Whedon, il aime beaucoup ces scènes-là parce qu'il y a la même dans le 2. Mais... Et dans le 2, je trouve qu'elle est moins bien, justement. Ouais. Largement moins bien. Oui, mais parce que tu avais déjà vu la première, je pense. Donc c'est pour ça que tu te dis, bon. Oui, mais attends, t'as fait une première, tu fais 2, elle est mieux, normalement. Le plan super badass où ils sont réunis en rond. En rond, comme ça. Ouais, mais on en reparlera, mais Avengers 2, il a été très très dur à faire pour Joss Whedon. Oui. Le mec s'est arraché les cheveux, il était limite en dépression à la fin. Alors qu'il était chauve, hein. il s'est fait des implants exprès, le con. Est-ce que on passerait pas aux anecdotes à picorer si vous avez Vas-y. Je sais pas, vous avez peut-être d'autres trucs à dire dessus. Non, et bien c'était notre avis sur Avengers. On passe tout de suite aux anecdotes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, on va commencer par ça. C'est la VF de Captain America, c'est la même que celle du film Captain America, mais dans les films suivants, elle va changer. Je sais pas si ça vous l'a fait quand vous avez revu Avengers. Ce n'est pas la voix officielle entre guillemets de Chris Evans, s'il te plaît. La voix française de Captain America dans Avengers 1, c'est la même que dans Captain America. D'accord. Voilà. Mais après elle change la voix française. Donc c'est pas la voix française officielle de Chris Evans. Ah, j'avais pas été remarqué parce que je les écoute en VOSTFR et je vous invite à le faire. Oui, ça forcément, le mec ne change pas de voix. Ou alors il mue tout simplement. Oui, peut-être. ça va être beaucoup sur les voix en fait là. Voilà, c'est une anecdote. Une anecdote voix. La version originale de Hulk, la VO de Hulk. Donc la plupart du temps, il a que des cris. Il te cassait pas content. Ouais, il a juste une réplique où il parle à Loki à un moment donné. Et cette voix, c'est la voix de Lou Ferrigno. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à branler ? On ne sait pas qui c'est. Mais en fait, c'est une petite référence quand même, parce que c'est celui qui jouait Hulk dans la série des années 70. Le gros costaud, là ? Oui, c'est le gros costaud qui jouait Hulk dans les années 70. Oui, voilà. Pas mal. Sympa. Non, ouais, c'est un gros nanar. Ouais. C'est un nanar, ce film. C'est énorme. C'est pas le film, je parle de la série. Oui, mais ils ont fait un film, je crois, en parlant. Oui, ils ont fait un téléfilm aussi. Ouais, mais nanardesque, au possible. Avec Thor, je crois. Qu'il a un rôle, en plus, un petit rôle comme ça, dans l'incroyable Hulk. Oui. Oui, oui, il a un rôle, c'est un agent un de sécurité, oui, je crois. Voilà, c'est ça. On continue. Il a le regard perçant. J'ai un point, c'est bon pour le coup. Non, c'est pas ça le jeu. On continue sur les voix avec la voix originale de Jarvis, l'intelligence artificielle de Tony Stark. La voix, c'est celle de Paul Bettany. Donc pour le moment, rien à foutre, mais on y reviendra dans Avengers 2. D'accord. Vous allez comprendre pourquoi. You know why. Yeah, yeah, yeah. Regardez où je pose mes yeux. Et pour finir, dans les comics, la création de l'équipe des Avengers, elle remonte à 1963. Donc, alors, déjà à l'époque, c'était Loki qui était le gros vilain de l'histoire et il manipulait Hulk. Donc on a déjà un petit peu ce truc-là. Et l'équipe, à l'origine, elle n'est pas composée comme celle qu'on a vue dans le film. Elle est composée de Hulk, Thor, Iron Man et Ant-Man, ouais, et la guêpe. Ouais, j'allais le dire. Voilà, c'était les anecdotes à picorer d'Avengers. Et ben on a on bien passe. Picoré, donc. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. On n'a jamais su pourquoi ils avaient choisi alors de faire cette équipe sous ce format-là ou... Peut-être qu'ils se sont dit que personnages seraient plus intéressants. Ils peuvent évoluer plus facilement dans un univers seul, dans des films seuls, en fait. Et puis même, vu ce que Ant-Man en deux films pas faire a amené... Ant-Man parce que t'as vu tout ce que Ant-Man a amené en deux films. C'est pas faux. Le truc quantique, le machin. C'est le gros problème c'est du dessus. C'est un gros gros délire. C'est le gros point noir. Ant-Man, c'est d'un nul. Mais d'un nul. Pourtant, moi j'adore peur, le héros dans les comics. Ça me fait mal au cul de dire ça, mais j'ai peur d'être d'accord avec Arthur. Mais bon, on va pas. Ouais, mais ça apporte quand même. Ça, je pense que ça va apporter les solutions de Endgame. Bah oui, il va tout rentrer dans les fesses de Thanos. Il va remonter à sa forme normale. Ça va exploser Thanos. Et... Pas comme ça. Pas comme ça, je pense. Non, mais c'est pas. Pourtant, Stan Lee m'avait envoyé le script avant de partir. Il y a tellement d'incohérences dans Ant-Man. On y reviendra après. Ah oui, mais bon. On y reviendra quand on parlera d'Ant-Man, c'est-à-dire peut-être jamais. On va continuer, bien évidemment, avec Avengers, l'ère d'Ultron. On va pas s'arrêter là, de toute façon. Non. Donc, Avengers, l'ère d'Ultron est un film américain, encore une fois, bien évidemment, de 2015, qui dure 2h20 et qui est toujours réalisé par Joss Whedon, comme le premier film. C'est une suite du film de 2012, sans en être une suite directe. Il y a 5 films qui les séparent, ce qui en fait, donc 5 plus 6, attention, j'ai fait des maths, le 11e film des studios Marvel. Ok, la tête, je sais. Il s'intègre dans la phase 2 du MCU sans en être la conclusion, qui arrivera avec le film suivant, Ant-Man. Voilà, c'est tout, j'avais envie de le gueuler. J'avais besoin de le dire fort. Nakamura. Non, arrêtez avec ça, parce que Nakamura, j'ai vu plein de... Il y a Decathlon qui a sorti une gamme de trucs Nakamura. J'ai fait un... D'accord. Voilà, c'est tout. Ça n'a aucun lien avec l'émission. On dévie, mais on dévie trop des fois. On dévie croquette. Voilà. Merci. Oh, joli. Très très habile. Au niveau du casting, on retrouve les mêmes personnages que le premier Avengers. Donc Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth et Jeremy Renner. Il a aussi reçu de bonnes critiques. Il a coûté 250 millions de dollars, donc 30 millions de plus que le premier film. Et il a rapporté 1,4 milliard de dollars, donc un petit peu moins qu'Avengers. C'est quand même le 8e plus grand succès cinéma de tous les temps. Voilà. Mais bon. Et l'histoire, elle raconte comment, en créant une intelligence artificielle baptisée Ultron, Tony Stark va créer un début de scission chez les Avengers. Malgré leurs divergences d'opinion, ils vont agir en équipe pour contrer les plans d'Ultron, ce gros vilain, parce que lui, il souhaite ni plus ni moins que l'extinction de l'espèce humaine. Dans la bataille, ils seront aidés par des personnages qui ont pu être vus dans les autres films, comme War Machine, donc qui est le pote de Tony Stark, mais aussi par trois nouveaux héros, donc Vif Argent, la Sorcière Rouge et Vision. Du coup, ce film, qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais. Alors, j'aime bien parce que justement, comme tu as dit, avant qu'il y ait une scission au sein des Avengers, tu sens qu'il y a une véritable cohésion qui s'est créée au sein de l'équipe. Genre, tu sais, il faut une soirée à la Tour Stark et tout. Donc, ça, ce moment-là, c'est sympa. Mmh. Par contre, moi, le gros point noir du film, c'est le méchant. Le méchant, je le trouve vraiment claqué. Enfin, je vois pas l'intérêt de ce. Je vois pas la, la Roumanie là qui se soulève dans les airs. La Sokovie. Ouais, c'est la même chose, non, c'est pas le même endroit. Ah, ok, c'est tellement gênant ce que tu dis. Et pourquoi c'est. Je trouve que c'est pas un méchant. Parce que c'est un des gros méchants. C'est un de ceux qui ont posé le plus de problèmes dans les comics. Avengers. Déjà, il me fait pas peur. Yes. Non, en vrai, il est vénère. Hein, il est bien. Il est vénère, ouais, mais. Attendez, les gars, je vous coupe. Il y a Arthur qui lève le doigt. comme un petit écolier. Parole, messieurs, à respecter, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Monsieur Dupont-Aignan pour Debout la France, allez-y. Je suis pas tout à fait d'accord, en fait, avec Thomas. Ultron, je trouve bien. En fait, j'adore l'acteur qui le joue. James Spader. Voilà, j'adore. En plus, je trouve qu'on... Parce qu'on le reconnaît pas trop quand même dans le film, hein, non. Si je peux me permettre. Non, mais voilà, dans la motion capture, je trouve qu'il est très bien. Et la VF, je trouve qu'elle apporte quelque chose d'assez spécial au méchant que j'avais pas vu avant. Je sais pas, c'est peut-être moi. La VF, ouais. Alors si tu le vois en VO, c'est pas dans les anecdotes à picorer, c'est vrai que j'aurais pu le mettre. Mais la voix de James Spader, elle a pas été retouchée. Donc moi, je l'ai pas vu en VO. Mais je pense qu'il arrive à faire une petite voix un petit peu robotique, un peu truc comme ça. Non, c'est pas ça. Je trouve qu'il y a un petit air dans la façon de parler, très hautain, un peu britannique, tu sais, un peu au-dessus. Là. Qui l'a créé ? Oui, je serais d'accord. C'est juste non, ça. Voilà. Après, je trouve que le méchant est bien, mais sauf que l'histoire est mal faite. Ouais. C'est juste ça. Je suis d'accord parce que alors moi en termes d'animation, d'effets spéciaux, je trouve tellement de travail, bien fait, il est super. Le film est bien fait, le méchant est bien fait. Il pourrait être tellement badass le film, méchant. Le film est beau, enfin je veux dire, il est de bonne qualité, il est de bonne facture. Les personnages sont pas mal, on retrouve les personnages qu'on aimait bien et tout. Ils amènent des nouveaux personnages importants comme Vision qui aura quand même qui aura son importance par la suite. Un petit peu quand même. Non et je sais pas le rendu de ce film. Il me laisse pantois. J'ai un souci. Il m'a pas convaincu ce film et je sais pas pourquoi parce que j'y trouve pourtant j'y trouve quand même beaucoup d'arguments positifs. T'as envie de l'aimer en fait ce film. C'est ça le truc. Tu dis il y a du potentiel. Et je pense savoir pourquoi. Parce que c'est les Avengers. Non. Moi, c'est Vision qui casse complètement le film. En fait, c'est Superman qui débarque comme dans la Ligue des Justiciers. Non, mais il arrive, il défonce. Tout. Non mais même sans que ce soit Superman, je trouve qu'on passe beaucoup de temps sur sa création aussi à Vision. Oui. Enfin, tu passes les deux derniers actes limite du film sur sa création et puis il arrive et pff, ça y est, je t'ai pété la gueule. Alors pour le coup, c'est vrai que Vision est cool à apparaître, mais y a plusieurs choses qui me dérangent. Déjà pour revenir vite fait à Ultron, pour finir sur Ultron, comment ils en finissent, c'est Vision qui arrive et je pense que c'est là où moi j'ai du mal avec Ultron. Ils disent Vision, on l'a coupé de la Wi-Fi, du coup c'est bon, on peut le tuer. Que ça oui, déjà, oui c'est juste ça. Ça me alors que le gars, Internet, alors que le gars, je te peux balader dans les ondes et tout. Et là, ça... disent, bon bah, on a coupé le réseau Wi-Fi. C'est ça. Le film se passe en France, du coup, c'est bon. Et autre c'est chose. Nickel. Et autre le chose. Nickel. Autre chose qui m'a dérangé dans le film et j'ai vérifié de la part de mon informateur, la pierre d'infinité qui crée Vision, c'est la pierre d'infinité jaune, oui. Pierre de l'esprit. Oui. La pierre de l'esprit. Et depuis 5 films, ils nous disent que le sceptre il est alimenté par le Tesseract, qui lui-même est une autre pierre d'infinité. Moi, c'est et j'ai re-regardé les films, je me suis renseigné là-dessus, et c'est là où ça me crée un petit flou. Pourquoi ? Parce que pour moi, elles s'auto-alimentent les unes elles sont toutes connectées en fait. Alors, elles sont toutes interconnectées. Alors pour ça, le sceptre est bleu. Ah, et je quand vois. Quand tu casses la pièce, elle est jaune. Oui. Non mais là je pense que tu non te... je préfère non mais c'était voilà peut-être, c'est un petit peut-être... détail qui m'a dérangé moi j'en sais rien non, et je puis je pas, pense mais... que tu cherches la petite bête là quand même non mais c'était un détail que je cherchais moi, non mais c'est vrai il y a un c'est truc vrai. Qui m'a énervé au plus haut point c'est Quicksilver il est nul à chier alors que putain il est stylé normalement et là il meurt comme une merde. Ah ouais, j'aurais bien aimé. C'est juste parce qu'il meurt comme une merde non, qu'il est mais, chier. Non mais parce que sinon il est une belle fin à la base à la base il court vite. Ouais mais il est en basket il aurait pu ne pas mourir là quand même. Des athémies. Non c'est assez parce qu'on est en Sokovie quoi. Faut pas déconner. Ils ont pas de Nike là-bas. Il a des athémies c'est fou. Bah je sais pas ouais le la sorcière rouge en français elle avec vif argent. Ils ont pas de charisme. Ils sont nazes. Ils sont pétés, mais ils sont juste. Mais Eco Plus eux aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est dingue. Pourtant, les acteurs sont plutôt bons. Les acteurs sont bons. Aaron Johnson, c'est quand même classe de l'avoir. Ouais. Et je trouve que c'est dommage de le faire claquer. Et en plus, il fait quoi ? Il se prend une douzaine de balles. Il dit oui. Ah, bah, je l'ai pas vu venir. Bah, c'est con, on aurait pu arrêter. Non, mais et puis même, quel est l'intérêt de faire venir ce personnage pour le faire mourir tout de suite ? J'ai juste une question. Est-ce que Quicksilver, c'est le mec qu'il y a dans les X-Men ? Oui, on en reparlera. On en reparlera. C'est dans les anecdotes à picorer, mais on en reparlera. Ah, d'accord. Voilà. Mais du coup, moi, je pense que s'il est mort, en fait, c'est parce que depuis le. Oui, Erwan, tu voulais dire ? Non, vas-y, continue. Non, mais je veux revenir sur la mort de Quicksilver, ouais, dans Vif Argent. Ouais. Et du coup, je pense que s'il est mort, c'est parce que depuis le début du film, en fait, il y a toute une histoire avec. Avec Hawkeye, ouais. Et en fait, pour moi, dans le film, c'est Hawkeye qui aurait dû mourir. Grave. Parce que à la fin, quand il se casse de chez lui, tu sais, il y a toujours ce petit truc larmoyant américain c'est promis, c'est ma dernière mission, et quand je reviens, je fais le parquet de la chambre de machin. Donc, on en a rien à foutre, mais clairement, ça annonce une grosse bataille, et tu te dis, ok, donc s'il y a un mort, c'est lui qui crève. Ouais, c'est vrai. Et sauf que bah, je pense que c'est là où c'est l'intelligence peut-être de Joss Whedon qui s'est dit bah non, en fait, je vais faire un twist. Et comme il y a eu toute l'histoire au début avec lui à chaque fois, machin, il va le sauver au dernier moment. L'autre va pas mourir parce qu'il fait partie des Avengers originaux. Et c'est. Je pense que ça va rebondir. Je pense que ça va rebondir justement sur Avengers Endgame où on a compris qu'il allait revenir. Je pense que ça va jouer. Je pense qu'on sous-estime beaucoup Hawkeye dans le MCU. C'est sûr. Moi, je le trouve vraiment chouette. Moi, j'adore cet acteur. De toute façon, Jeremy Renner. J'adore. Non, mais il est génial. Mais c'est vrai qu'on le sous-estime. Pourquoi on le sous-estime ? Il est nul. D'un côté, on a Hulk. C'est une machine, de guerre. Par rapport à tous les autres. On a Captain America. Il a rien, le gars. Qui pète des bouches. Et puis, il le fait facile. Hein, quand tu vois comment il défonce Thanos, comment il tient tête à Thanos dans le dernier film. C'était Arthur d'ailleurs qui était préparateur physique de Captain America. Ah, cool. Le maigrichon au début. Non, tu pour le muscle, ils ont non, pas, tu ils pas, pris. Non, tu manges pas. Pas après, t'as Iron Man qui a toute la technologie, donc ouais, il a des répulseurs, des machins, tout ça, donc voilà. Scarlett Johansson qui s'est... Elle a des pistolets. Bah elle a des pistolets, elle se bat super bien au combat. J'allais dire autre chose. Elle se bat super bien au combat. Oui, ouais. C'est logique. Non, elle se bat bien en termes de martiaux. Ok, à part il est légitime. Mais enfin, je veux dire, c'est juste un mec qui tire des flèches, quoi. Ouais, il sert à rien. En fait, ouais, au bout de 6 flèches, il a plus de munitions. Donc, dans ces cas-là, il est cramé. C'est juste un mec riche. C'est dégueulasse. Oui, mais je veux dire, t'as vu toute la technologie qu'il a. Il a l'armure et tout. Il apporte un plus aux Avengers. Alors que Hawkeye, bah. Il apporte en moins, quoi. Bah, c'est parce que t'es obligé de suicider un autre garçon. En même temps, c'est obligé de repartir 4 heures pour passer à Bruco pour acheter des flèches. Parce que... Non, mais c'est logique parce que t'as Tony Stark, il peut tirer que 18 flèches. Non, mais les gars, c'est lui qui porte le MCU. Et Hawkeye, avant Avengers, tu le vois 25 secondes dans Thor, en fait. Donc c'est logique que Tony Stark soit vraiment... C'est peut-être alors un des défauts de Marvel de pas, à la rigueur, avoir fait un film en commun avec la Veuve Noire et Hawkeye. Ça aurait été au moins permis de faire une petite origin story des personnages. Et ben, sans faire une origin story, ils vont continuer l'histoire. Donc déjà, ça, tu fais... Après, je sais pas quand ça va se passer dans la timeline Marvel. Ça, c'est prévu depuis longtemps, ça. Mais Disney, la nouvelle plateforme, va sortir une série Hawkeye. Voilà. Et j'ai avec le même acteur... C'est avec Jeremy Renner. Ça serait super intéressant. En plus de ça... On va continuer. Ils vont sortir Loki avec Tom Hiddleston. En série. Cool. Et autre série qui a été annoncée. Autre série, il y a Wanda et Vision. Exactement. Donc, sorcière rouge et Vision. Il y a aussi. Et là, tu fais. Hein, quoi ? Wanda et Vision ? Donc, oui. C'est avant. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Peut-être après. Ça veut dire si toutes les séries sont après. En fait, la série Loki, tu fais. Ah merde. Bon, en fait, c'est entre Avengers 2 et Avengers 3. Je sais pas. Non, on ne sait pas. Quoi ? Bah okay, on verra bien. Ça sort en 2020. Tout ça, je sens que ça va nous spoiler la fin d'Endgame. Et il y a aussi, le Faucon et le Soldat de l'Hiver. D'accord. Okay. Oh ouais, ça, cette histoire. Ensemble. Ouais. Alors, on va reparler du truc Disney, mais les gars, ils vont juste défoncer le game. Ils ont présenté leur plateforme. Ils vont tout défoncer. Ouais. Je vais l'acheter, moi. Tous les trucs Marvel. Dès que ça sort en Europe, je le prends. Tous les trucs Marvel. Tous les trucs Star Wars. toutes les saisons des Simpsons, tous les films Disney, tous les trucs. Ils ont pas South Park. Non, ils ont pas South Park. Oh, ouais, ils sont là. Et le pire de tout ça, c'est que les mecs sont moins chers. Grave, c'est ça qui est énorme. Moins cher que Netflix, tout ça. Tu fais, ah bah, je sais où. Et ils récupèrent les meilleures séries de Netflix en plus. Oui, c'est ça. Mais bon, bah, merci, au revoir. Et bah voilà. Bon, je pense que ça a du coup. Mais allez, on fait des petits billets d'humeur comme ça dans les chroniques. Bah pour cette dixième émission. Oui, bah oui, quand même, c'est la dixième émission. Qui dure 10 heures, parce qu'il faut qu'on tienne. Jusqu'au bout. Du coup, si tu peux te dépêcher pour les pattes là, parce que ça commence à être long. Mais oui, après, au niveau du film, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu moins bien. Mais il était fade. Je pense que ça résume, l'intro résume le film. T'as l'impression que t'as envie d'y croire et tu vois le plan entre guillemets badass où tu les vois les uns derrière les autres. Tu dis pourquoi ? Bah, ils font la queue. Hulk, en fait, il prend toute la place et tu vois pas les autres. Juste, ça fait beau pour le directeur photographie, c'est tout. Ouais, voilà, mais c'est ça qui est dommage. Alors que dans le premier film, tu vois, ils sont en rond avec la caméra qui tourne à la Michael Bay, un peu, tu fais. Ouais, c'est clair que ça ressemble à ça. Et là, le truc, ils sont à la file indienne, tu fais. Ah, mais ça manque de Dwayne Johnson, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, pour moi, c'est ça. Je pense qu'il faut pas voir ce film comme la fin de la phase 2, mais presque comme le début de la phase 3. Mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que après il y a Ant-Man pour conclure en fait. Oh, quelle tristesse cette conclusion de la phase 2. Oui, mais après. Ant-Man terminé sur Ant-Man, tu fais. Oh. Oui, mais enfin, est-ce que t'as vu une grosse différence entre la phase 2 et la phase 3, la phase 1 et la phase 2? Enfin, la phase 1 est terminée par Avengers, donc oui, t'as vu une différence entre guillemets. Moi, personnellement, j'ai rien vu. Enfin, personnellement, je vais peut-être même pas aller dans l'ordre. La phase 2, je crois que j'ai pu regarder tous les films. La phase 3, je crois que j'ai loupé 2-3 films entre temps. Voilà, donc après, ce point. Moi, j'ai loupé Wonder Woman, moi. Ok. Qui est un bon film. Moi, alors, je défends, c'est un bon film. Bah, c'est pas du tout MCU, surtout. Ouais, c'est ça. Bah, oui, mais moi, je trouve aussi que. Je trouve ça dommage que ce film, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un filler. C'est-à-dire que c'est comme un épisode de série, mais c'est l'épisode de milieu de saison où, en fait, il n'y a pas de grosse révélation. C'est une transition. Il ne se passe rien. C'est plus une transition pour dire, OK, Avengers, ça a envoyé du lourd. Il y a le teasing un petit peu de Thanos, mais sans qu'il soit vraiment présent, on le nomme juste et on l'appelle juste l'autre. Donc, tu fais, ouais, OK. Et là, c'est vraiment, mais juste le gros teasing de Thanos avec, t'as vu, il y a des pierres d'infinité. Oh, Thor, Thor, à quoi il sert dans le film ? Il parle que des pierres d'infinité. Et justement, les gardiens, ils sont dans la phase 2 ? Les gardiens de la galaxie ? Je pense, oui. Je pense. D'accord. Oui, il marque pas le début de la phase 3. C'est dommage, en fait. Tu te dis, un des meilleurs films de la phase 2, c'est Les Gardiens, on est d'accord ? Génial. Non, la saga est chouette. Et tu te dis, oh, Les Gardiens dans les Avengers ? Non. Bon. Tu fais bon, ouais, très bien. Oui, mais après, enfin. Et c'est là que tu vois Thanos. Mais ils n'étaient pas légitimes à débarquer. Mais quel est l'intérêt des gardiens de la galaxie à combattre Ultron ? Ils en ont rien à foutre. Justement, en fait, ils teasent le méga méchant. Là, tu dis, ah ouais, il y a Ronan, qui est bien balèze. Et là, tu dis, oh, il y a un mec encore au-dessus. Tu fais, waouh ! Et là, tu arrives sur Terre, tu vois Ultron, tu fais, oh. Vous savez que les gars, il y a un gars juste au-dessus qui peut tout défoncer. Non, mais attends, alors, c'est comme si tu prends l'exemple des 4 Fantastiques. Où t'as Silver Surfer qui vient sur Terre et tout. Les méchants des 4 Fantastiques, que derrière il y a Galactus, le mec qui dévore des planètes, des systèmes solaires. Si tu veux, ça remet un peu les héros à leur place sur Terre, quoi. Oui, c'est toujours la même chose. Ouais, mais même je pense en parlant de ça, que la phase 4 qui va sortir après, elle va plutôt se baser sur peut-être un truc genre Galactus et tout. De toute façon, ça va être les univers mystiques. Il va falloir trouver au-dessus de Thanos. Thanos qui a déjà été élu d'ailleurs meilleur méchant de l'histoire du cinéma. C'est vrai ? Oh non. C'est triste. C'est dommage. Rien que déjà le Joker pour moi est au-dessus. Ouais, S-Ledger. Meilleur méchant. C'est parce que les gars ont vu le film en dernier. C'est des kikoulol. C'est tout. C'est des gamins de 15 ans qui ont jamais vu un film. C'est trop bien. Il a une grosse main avec des petits joyaux. Un truc, ça s'appelle Star Wars. Je sais pas si vous. Star Wars. J'adore Star Wars. Bah oui, je connais bien. Génial. Enfin voilà pour ce deuxième film quoi. Ouais. C'est... Est-ce que tu as des anecdotes à picorer peut-être? Oui, j'ai des anecdotes à picorer. Même si, préparé ça, même si on a beaucoup digressé sur ce deuxième épisode. Si peu. On s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, au niveau des anecdotes, on va reparler tout de suite de Paul Bettany. Alors, Paul Bettany, il joue Vision, et Vision, c'est un mélange d'Ultron et de Jarvis. Donc c'est pour ça que je l'ai teasé un petit peu. D'accord, dans le premier Avengers. Donc Vision, c'est un mélange d'Ultron et de Jarvis, comme je disais, qui est la l'IA, l'intelligence artificielle de Tony Stark, dont la voix en version originale est assurée depuis le premier Iron Man par Paul Bettany. Voilà. À savoir que, à savoir que quand il y a Vision, il n'utilise plus Jarvis, Tony Stark. Il utilise une autre intelligence artificielle. Parce qu'il pense que Jarvis meurt, surtout. Il utilise Siri. Mais ça marche moins bien. Dis Siri. Allez. Je n'ai pas compris votre demande, Tony. Il utilise une nouvelle intelligence artificielle. Metal Queen. Oh ouais. J'ai demandé à la lune. Non, pas ça, merde. Non, une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Friday. Et la voix originale, à chaque fois, c'est que des voix. C'est la femme de Paul Bettany qui la joue. Voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la femme de Paul Bettany. Juste pour venir à Vision, vous le trouvez pas moche? Enfin, je le trouve hyper kitsch, physiquement. En fait. Non, mais hyper kitsch. C'est-à-dire dans le comics, il a déjà cette apparence. Bah, en fait. C'est ça, en fait. Ouais, à peine plus rouge écarlate. Quand je vois, tout. Tu fais oh, le bordeaux, jaune, bleu. Tu fais ouf. Wow. Bah, ouais, mais en fait, c'est sa couleur entre guillemets d'origine. C'est pas... Ouais, non, mais je sais pas, je trouve que le design il est pas ouf, quoi. Bah, ouais, les années 60 serait claqué, mais là dans les années 2010, tu fais moins. Oh, il est bien fait quand même, malgré le kitsch, il est quand même pas mal fait. Je trouve juste kitsch, je dis pas mal fait, mais juste méga kitsch. Ouais. Ok. Toi, tu l'emmènes pas en tenue de camouflage dans les tranchées. Bah, quoi. Si, vu qu'il peut se camoufler lui-même, il peut se déphaser. Bah, oui. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais voilà. En débarquement en Normandie, tu le mets pas au milieu, il va si, tirer. Oh bah ça t'aurait réglé le souci en 20 minutes. Bah, il va tirer tout le monde, les autres en tenaille, bim bim bim, salut, allez, je suis stratège. Non, mais je parle juste sans pouvoir. Tu mets un mec comme ça, déguisé comme ça dans le débarquement et. Ah bah okay, oui, non, mais... un mec déguisé comme ça, non, mais attendez, déjà, pourquoi, pourquoi sans mort. Pouvoir tu serais en rouge déjà. Oui. La mer noire. Non, mais voilà, juste ça. Parce que j'aime beaucoup le maquillage. Je sais que je le trouvais un peu kitsch. Ok. Du coup, on va parler non plus de Vision, mais d'Ultron. L'origine d'Ultron, elle est différente du comics. Dans le comics, Ultron, c'est une création non pas de Tony Stark, mais d'Hank Pym. Hank Pym, ah, qui oui. est le premier, le père de Ant-Man. Non, pas le père, c'est enfin, le premier Ant-Man. Oui, oh. Non, c'est le premier Ant-Man, oui, dans ça, les comics. Ouais. Mais, c'est ça qui est dingue dans les comics, dans Avengers, c'est que Hank Pym, enfin les Ant-Man, c'est la tête de Avengers en fait, ouais, le cerveau. C'est ça. À la place de Tony Stark qui est là dans le. Ah mais qui est quand même un cerveau aussi. C'est un cerveau aussi, mais il a pas le même rôle dans les comics. De ce que je me rappelle. Non, dans les comics c'est plutôt un alcoolique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Quoi. Wow. Donc non, je. Ant-Man est primordial dans les comics. Oui. Alors que là, il est secondaire dans les. Et moi, je trouve ça dommage. Tertiaire, dans le premier Avengers, j'ai trouvé ça dommage aussi. Vif Argent et la Sorcière Rouge, donc Quicksilver et Scarlet Witch en VO, sont à la base les enfants de Magneto. Mais bon, les studios Marvel n'avaient pas les droits, donc on peut pas faire référence à Magneto. Du coup, c'est pour ça qu'on venir. Dit. Oui, ça va venir, mais je pense qu'on va pouvoir attendre au moins 2025, hein, parce que c'est pas dans les plans des 5-6 prochaines années. Donc ouais, pas non, tout de suite. Non, mais... et pour finir avec ces anecdotes à picorer, le vendeur d'armes qu'on voit, Ulysse Klaue, il est interprété par Andy Serkis. J'adore cet acteur. Qui joue... J'avais pas fait le lien, moi, j'avais pas compris qu'il était de retour dans Black Panther, justement. C'est et bah oui. J'avais pas capté sur et du coup moi j'ai mis que c'était pour une fois un rôle où on le voyait vraiment il est, physiquement. Il est vraiment c'est badass vrai. En plus je trouve avec oui. sa barbe, ses cheveux grisonnants comme ça, bien en plus il est musclé le con parce que ouais, c'est ça. Et quand je dis qu'on le voit vraiment, c'est parce que en fait Andy Serkis c'est un adepte du motion capture. C'est vrai. Gollum, César dans la planète des singes, je crois même qu'il sur ce film-là, il a donné quelques petits conseils à James Spader pour faire la motion capture et tout. Parce que James Spader, il fait 1m70 et il devait jouer un personnage de plus de 2m. Ultron, voilà. Donc il devait avoir une carrure, il devait être impressionnant, machin, mais c'est vrai que ça la fout un petit peu mal. C'est marrant d'être autant fasciné par la motion capture en tant qu'acteur. Oui, c'est vrai que... C'est bah après, c'est un précurseur, le gars. Il a commencé au tout début et c'est lui qui l'a développé. Il a fait Tintin aussi, il a fait Captain Haddock. Captain Haddock dans Tintin. C'est ça. C'est vrai. Non, mais c'est une référence au sens cet acteur. Ce gars-là en motion capture, c'est une référence de toute façon. Il a donné des conseils à tout le monde. Ouais, mais c'est marrant qu'il y ait un acting secondaire dans le milieu du cinéma qui est autour de la motion capture. Ouais, c'est un truc auquel on pense pas vraiment. T'as moins d'apprentissage. Enfin, t'as moins d'émotions sur le visage et tout. Mais en fait, t'es obligé d'imaginer ton personnage, même quand il joue le singe dans La Planète des Singes, t'es obligé de penser comment ça pourrait marcher, les expressions faciales. Ouais. Enfin, c'est un truc de dingue. Ce mec, c'est un génie de la motion capture. C'est clair. Est-ce qu'on passerait pas au tout dernier film Avengers qui est sorti pour le moment hein. Après, l'autre va sortir, est même déjà sorti. Alors, on va. Faut qu'on précise peut-être à nos auditeurs que si on a choisi aujourd'hui de ne pas parler d'Avengers 4, c'est que ça va sûrement venir de notre part, mais c'est que on voulait éviter tout spoil de notre part. Oui, déjà, parce que ça va sortir juste une semaine après la sortie de Endgame, et surtout parce qu'on enregistre le 15 avril et que le film sort dans 10 jours. Voilà, c'est surtout pour ça. Mais c'était surtout aussi pour vous préserver et ne pas que vous soyez spoilés en écoutant cette émission. Donc là, en effet, c'est l'émission parfaite à écouter avant d'aller voir Avengers Endgame. Voilà, vous n'avez même pas besoin de regarder les trois films, vous écoutez juste pendant une heure et demie notre émission, et c'est bon. C'est parfait. Juste faire... Je propose qu'on fasse une petite parenthèse sur Civil War, au moins. Parce que c'est important, ça. Eh ben, je te laisse faire une parenthèse sur Civil War. Pour moi, ça rentrait pas forcément dans le cadre de l'émission, parce que effectivement, on voit tous les Avengers, on en rajoute même. Tu fais ah putain. Mais pour moi, c'est pas forcément un Avengers. C'est vraiment un Captain America. Ouais, mais c'est vrai que les gars, tu te dis putain. On voit plus Iron Man que Captain America. Non, mais c'est que voilà. Je voulais juste en parler parce qu'on voit Spider-Man. On voit Ant-Man qui arrive dans les Avengers. Mais c'est vrai que c'est un film nécessaire pour suivre l'histoire Avengers. Pour le voilà, coup, on voit la scission en fait dans les Avengers, c'est ça qui est important. La scission qui avait commencé dans l'ère d'Ultron. C'est peut-être pas écrit Avengers machin, mais il est important pour moi, il fait partie de la continuité des Avengers. Juste à titre personnel, pour moi c'est le moins bon. Si je devais le mettre en tant qu'Avengers, pour moi c'est le moins bon. Civil War, ouais. Hein, je trouve l'ère d'Ultron un peu en dessous. Non, en fait, moi, j'ai pas aimé. Ah, Loki, comment il s'appelle là, le copain le soldat de l'hiver. Le soldat de l'hiver. Bucky, c'est mon copain, faut pas lui faire mal. Oh non, c'est mon copain. Oui, mais il a tué mon papa. Ah ouais, oh non, c'est pas bien. Voilà, c'est cette histoire. Tu fais, oh, sérieux. Moi, après, là où j'ai été un peu déçu dans Civil War, mais c'est vrai que tu pouvais pas le faire, c'est que. C'est une adaptation, donc forcément, ils font comme ils veulent. Une adaptation, c'est pas forcément obligé d'être fidèle, c'est d'où le nom, une adaptation. Mais la fin. Je l'aurais trouvé tellement forte s'ils avaient fait la fin où en fait le gouvernement arrête Captain America qui dit bon bah j'arrête de me battre et en fait bah, dans les comics il se fait buter quoi. J'aurais trouvé ça tellement fort. Et puis le combat final qui se passe dans limite dans les égouts d'un bunker, tu es vous êtes sérieux? Et moi je l'ai pas vu, vous voyez, Civil War. Il m'a pas donné envie, j'ai pas pris le temps. Je sais pas. En fait les Civil War dans les comics la partie Civil War est trop folle, vraiment. Ah ouais, trop, non, mais c'est pour avec, ça, avec Spider-Man et tout, ils ont des places hyper importantes. J'en attendais beaucoup, moi, justement, et j'étais tellement déçu. La bataille dans l'aéroport où t'as personne. Tu sais, mais pourquoi c'est un aéroport, mais vide. Ouais, c'est ça, c'est l'aéroport de Tours. Je pense que Tony Stark vient de l'acheter et puis il s'est dit dégagez, c'est bon. Ok, tu fais ouais, super. Voilà, donc voilà, juste pour dire que pour moi, ça fait partie des Avengers parce que ça marque la scission qu'il y a dans Avengers 3. Entre Captain America et Iron Man. C'est vrai. Eh bien, merci d'avoir fait ce petit point sur Civil War. On passe tout de suite au troisième film. On arrive à la fin avec Avengers. Si je peux me permettre, on aurait dit un peu la bande-son de Claire Chazal qui arrive au JT du 20. Bonjour et bienvenue dans les titres. Aujourd'hui, Avengers Infinity War. Du coup, merci pour ça. Va rebondir là-dessus derrière, super. Avengers Infinity War, c'est un film américain, pour changer, de 2h30. Il dure 10 minutes de plus, allez. Et il a été réalisé par Anthony et Joe Russo, qui ont déjà œuvré sur Captain America 2 et 3. Donc Le Soldat de l'Hiver et Civil War. À savoir que Anthony et Joe Russo, avant, ils avaient surtout bossé sur des séries et des films. Et c'était surtout des trucs de comédie, en fait. Donc, pas du tout le même registre, en fait. Et du coup, ce film, il est adapté du comics Le Gant de l'Infini, sorti en 1991. C'était la version québécoise, ça. Non, c'est le nom du comics qui s'appelle le Gant de l'Infini ou Infinity Gauntlet. Ah, voilà, là c'est mieux. C'est le 19e film du MCU et c'est le 7e film de ce qu'on appelle la phase 3 qui se conclura par Avengers Endgame au cinéma, bien évidemment, en ce moment. Fin là, du jeu. Voilà. Les Avengers, fin du jeu. La fin du jeu. Ok, bah c'est pas la même saveur. Ils ont hésité entre ça ou échec et mat. Son maître Avengers. Ouais, c'est limite, il y a le maître d'école qui fait « Allez, venez vous ranger, c'est la fin du jeu !» Tu fais non. Les Québécois, c'est pas possible. Alors, ça se trouve, le film va se finir par un père qui appelle son fils. Et tu te rends compte qu'en fait, depuis le début, c'était juste un fils qui jouait avec ses jouets et c'était une histoire à raconter. Ah, mais ce truc Lego aventure. Je te jure, ils font ça, mais j'attaque Marvel en justice. Ouais, c'est pas possible. C'est juste pas possible, les gars. Ah, bah non, j'étais en train de jouer. Tu te fous de ma gueule, connard. Te fous de ma gueule, imagine. Du coup, la phase 3 va aussi clôturer la grande saga initiée par le début de la phase 1. Donc, phase 1, 2 et 3. Ces trois phases ont un nom. C'est The Infinity Saga. La saga de l'infini. Qui a débuté avec Iron Man en 2008. Infinity War et Endgame sont deux films complètement différents. Ils sont différents, mais ils sont liés, puisque Endgame est la suite d'Infinity War. Au niveau du casting, bah, on retrouve les Avengers originaux. Hein. J'ai déjà dit les noms deux fois, je vais pas leur dire. Hein, voilà. Sauf qu'en plus, quarantaine. Voilà. Vas-y, dis-les. Sauf qu'en plus, il y a les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Black Panther et Spider-Man. Enfin, tu peux diviser quand même le casting par deux à la fin, quand même. Ouais. Un petit peu, ouais, c'est ça. Là, ils sont presque autant que les enfoirés maintenant, hein, c'est un truc. Putain. Pierre Palmade, c'est Iron Man. Ouais, pas sûr, pas sûr. Oh là là. Le film, c'était un rouleau compresseur. Il a juste tout explosé sur son passage. Déjà un budget de 420 millions de dollars. Alors, oh putain. Ouais. Alors 420 millions. Je vous dis ça. Je me suis renseigné sur plusieurs sites. J'ai vu 400 millions, 420 millions, 485 millions même. Il y a le marketing donc, derrière, peut-être aussi. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il en a rapporté plus de 2 milliards. Okay. Et voilà. La bascule est positive, je pense. Si peu. Donc du coup, comme j'en parlais au tout début de l'émission, Marvel, au début des années 90, en 96 plus particulièrement, ils ont fait faillite. Je pense qu'ils sont refaits là, du coup, voilà. Et l'histoire raconte comment Thanos va vouloir s'emparer des pierres de l'infinité, des pierres qui pourront le rendre quasi invincible. Hashtag la hache de Thor. Et qui lui donneront le pouvoir de faire disparaître la moitié de l'univers, pas en les tuant lui-même, mais juste en claquant des doigts. Florent vient claquer des doigts. Oui, mais ça, on l'a entendu. Ah bon, voilà. On rajoutera au montage, on rajoutera un petit claquement de doigts, tu vas voir. Ils ne verront que du feu, les auditeurs. Tu aurais dû viser la tête. Imagine, voilà. Thanos, c'est pas claquer des doigts, genre. Le gant, il fait pas de bruit, mon pote. C'est ça le seul. Et puis après, il essaye. Non, mais je sais pas, je siffle, j'essaye des trucs. Il claque des mains, en fait. Il chante une chanson et... Oh merde, non. Je pense que ça aurait eu une toute autre saveur s'il avait été manchot, Thanos, du coup. Voilà. Il clignait des yeux. Oh non. Pour mettre les pierres dans les yeux, ça pique un peu, du coup. Bon, les lentilles de pierre. Le bonnet de l'infinité. C'est le bonnet rouge du Père Noël. La cagoule de l'infinité. Le cache-cou. On va peut-être parler du film parce que là, niveau marketing, ils sont blindés Disney. Donc ça, si Marvel pouvait nous écouter, les chaussettes de l'infinité, le slip de l'infinité, voilà, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce film et pas de la collection de vêtements qu'on va sortir. Énorme. Pour moi, c'est le meilleur film de tout le MCU, tout simplement. Alors, il claque, mais vraiment, incontestablement, il claque, mais. Faut quand même avoir une certaine préparation avant. C'est-à-dire que si t'as pas vu Black Panther avant, si t'as pas vu... enfin, un petit échauffement, oui. C'est pas comme Avengers où tu peux rentrer dedans en disant, bon, c'est assez abordable. Là, Infinity War, ça t'oblige quand même d'avoir une certaine connaissance Marvel avant. Mais enfin, oui, il casse tout. Inconditionnellement, il casse tout. Et puis avec le nombre de héros qu'il y a, ouais, t'es obligé d'avoir au moins une petite base. C'est ça, si tu veux, t'as au moins un favori ou autre, forcément. Mais moi, je suis tout à fait tiraillé par ce film. Je vais vous expliquer pourquoi en trois parties et trois sous-parties. Petit 1. Exactement. Non, alors j'ai trouvé que c'était un super bon film en termes d'animation, d'effets spéciaux, de... Enfin, il était cool, il était Pixar, hein. Non mais t'as compris. Surtout quand Woody sauve Buzz. Si compris, ça m'a foutu les poils, ce truc. Ah, vous êtes mauvaise langue avec moi. Horrible. Je démissionne, ça continue. Et après, dans la suite des Avengers au cinéma, je trouvais qu'il s'inscrivait super bien, il était très bien. Seulement, pour avoir lu les comics du Gantelet de l'Infini, il n'a rien à voir et il est tellement vide de sens. C'est terrible. C'est par rapport aux comics, là encore, mais plus que d'habitude, plus que dans les Avengers, des trucs comme ça, là vraiment, mais j'ai trouvé ça nul. Enfin, dans les comics, il y a une putain de dimension hyper stylée. Il y a même des méchants qui s'allient à tous les gentils pour essayer de battre Thanos. Bon, ils vont échouer. Et après. Spoiler alert. Voilà, non, mais personne. Un truc que sorti en 91, ça va. Le ça truc va, est quasiment que... 30 piges. Ça va. Non, mais et après, le seul moyen qui reste. Pour que, non pas la Terre, les 14 bonhommes qui combattent Thanos, ils réussissent à l'arrêter. C'est vraiment juste que les entités qui ont créé le monde qui existe dans l'univers Marvel, donc le temps, l'espace, les pouvoirs, les célestials, c'est en les fait. Dieux... Non. Les célestes. Non, non, c'est pas les célestes. C'est même pas ça, c'est des entités. C'est-à-dire que c'est des trucs que tu vois pas dans le... dont tu n'entends jamais parler. C'est le conseil constitutionnel, en fait. C'est ça, c'est le conseil constitutionnel. C'est des espèces de... L'article 1. C'est des espèces de géants qui ont des tailles de genre 8-9 galaxies d'affilée. Donc c'est ce que je viens de dire, c'est les célestes. Si, il y a Nowhere. Non, il n'y a pas ça. C'est pas eux. Attends, je confonds peut-être alors. Parce qu'il me semble en fait, ceux qui ont créé les pierres et qu'on voit déjà dans les Gardiens de la Galaxie un petit peu, quand on voit notamment la pierre du pouvoir et... Le gars qui est géant et qui donne juste un coup, c'est un céleste. Et du coup, la planète où ils vont, Nowhere, c'est la tête d'un céleste mort. D'accord. Voilà. Peut-être que c'est ça. Oui, ok, c'est pour ça que c'est une tête. Je sais pas parce que. Après, il y a tellement de trucs dans Marvel. Des entités par entière que je revois pas. Que c'est tu les dieux pas. De l'univers Marvel, en fait, je crois, qui intervient. Mais je pense, non, mais je pense que c'est soit les célestes, soit c'est les gardiens qu'on voit dans un des films, je ne sais plus lequel c'est. C'est pour les Gardiens de la Galaxie. Si, dans les Gardiens de la Galaxie 2, c'est pas les gars avec la grosse tête bleue où il y a Stan. Non, non, c'est pas. Et c'est pas, non, c'est bah pas ça... les gars du Green Lantern Crew là. Ça doit être les célestes parce alors, que les gars géants machin. Ouais, ça doit. Une question. Est-ce qu'on peut considérer Johnny Hallyday comme un céleste? Non, je ne pense pas. Non, je fais juste une étincelle. Quelle pierre de l'infinité? La Harley Davidson. Ok. La pierre de la Harley. C'est quoi? Bah en fait, tu peux invoquer une moto quand tu veux. Ghost Rider à la fin. Et la Optique 2000 aussi. Ils avaient hésité avec la Optique 2000. Mais ça, ou alors tu fais apparaître des lunettes. Ou Optique 2000. T'as pas le droit de me taper, j'ai des lunettes. Et puis, il y avait aussi le rapport à Thanos avec la mort. Enfin, il faisait pas ça pour les mêmes raisons que... il était vraiment... je sais pas, moi Thanos, il est juste teasé, et là, c'est vraiment, bon, le grand méchant. Mais oui, alors je sais que Thanos, oui, il a, dans les comics, il a toujours ce rapport à la mort, il cherche... Il est amoureux, mais il cherche à séduire la mort. Oui, c'est ça, mais peut-être que, justement, tu dis que c'est de sens, mais peut-être pas tant que ça, parce que Thanos, là, peut-être qu'en éliminant la moitié de l'univers, il se dit, tiens, je vais lui envoyer des personnes... Et du coup, elle va peut-être. Ou peut-être que tout simplement, c'est une autre terre du multiverse. Et puis ils se sont dit, bah les couilles. Bah, je crois que depuis qu'ils sont partis ailleurs que pour Civil War, on se dit, bon, bah oui, ils ont pris une autre direction, c'est tout. Après, il faut l'accepter. Oui, non, bien sûr, je pense. Ouais, mais voilà, moi j'étais un peu déçu. Je trouve ça un Après, je peux peu, comprendre ouais, peu les fade. Fans de comics qui soient déçus par l'orientation de Infinity War. Je ne suis pas un grand fan de comics, mais voilà, j'en ai lu pas mal. Et puis y a des fois, je suis déçu par. Les choix de Réal. Mais après, c'est comme ce que je disais, c'est une adaptation. Et dans toutes les adaptations, là, les personnages, ils ont quoi? Ils ont 75 ans, la plupart. Ils ont, enfin, Captain America, il date des années 40. Captain America, il y a eu 25 reboots, il y a eu 25 Captain America différents. Bucky a été Captain America pendant un moment donné. Donc voilà, après, ils puisent un petit peu comme ils veulent et du coup, ils en ont même fait une terre à part entière. Oui, c'est la terre, je sais pas combien. 9999. Non, c'est bon, c'est oui, c'est 9999. Ouais, c'est 9999 du coup. Oui, non, mais c'est ça en plus. Non mais vous rigolez, mais c'est vrai. Voilà, non mais c'est vraiment ça. Voilà, du coup, non mais ok, d'accord. Ouais, donc un peu déçu par un peu déçu vis-à-vis du comics. Là, c'était encore ça. Voilà, je commence à m'y faire d'être déçu par rapport au comics, mais là, je sais pas. Il y avait encore un truc. Et que penses-tu de la Justice League? On va pas digresser là-dessus. On va pas digresser là-dessus. Moi, je pense, mais après, c'était aussi purement commercial parce qu'il y avait Endgame qui arrivait après, mais. Une petite réunion de tout le monde à un moment, moi ça m'aurait bien fait kiffer. Enfin, c'est ce que j'avais envie de voir dans Infinity War, un moment où genre ils sont tous en ligne, tous les Avengers, et là tu dis ah c'est cool. Sauf bon, que ça n'arrive pas. C'est vrai que ça n'arrive pas, mais j'aurais bien aimé. Parce que faire deux clans comme ça, je trouve, il y avait un moment où t'avais envie d'une réunion, il y a juste Thor qui fait la liaison en soi, mais. Je pense que ça aurait tellement été compliqué de tout caser. Mais de toute façon, mais ça va finir comme ça dans difficile. Endgame, je pense. Hein, donc Dans Endgame, je suis même pas sûr qu'ils soient tous ensemble pour. Ouais, tous ensemble. Je parle. Hey. Les Avengers originaux. Les Avengers originaux vont être tous ensemble. Mais aujourd'hui, après... on n'a plus le droit. Mais je pense qu'après, les... Voilà ce que ça nous fait une heure d'émission, les gars. Qui ne saute pas n'est pas Avengers. Mais non, mais après. Numéro 10. Ok, très bien. Je ne tiens plus cette émission. Je vais vous couper. En fait, Thanos, c'est Jacques Chirac. Hey. Comment? Ah, t'as pas la référence. Thanos, c'est Jacques Chirac. Waouh. Non mais si, on a la ref, mais tu. Essaye de dire le numéro. Hey. T'imagines Thanos à la fin. Mais en fait, je voulais juste que tout le monde bouffe des pommes. En fait, c'est n'importe quoi. Aïe, aïe. Non, moi, c'est vrai que on va essayer de reprendre. Hein, ça va être compliqué après ça. Moi, ce film, je l'ai trouvé mais tellement bon. Okay, tellement ils ont fini les connards ou... Non, mais laisse-les rigoler dans leur coin. Non, mais moi, je l'ai trouvé très très bon parce que bah, justement, il y a tout l'univers qui a été mis en place sur 18 films juste avant qui vraiment se révèle et tu fais ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'était Thanos depuis le début qui tirait les ficelles de tout le monde. Oui. Même d'Ultron, je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que en fait c'est Tony Stark qui a vu que il y avait une invasion extraterrestre Donc en fait Ultron Thanos tire les ficelles de tout le monde et je trouve que ça on le savait depuis longtemps ça. Après je trouve dommage dans le film que les gardiens de la galaxie soient cantonnés à un rôle de salut on est les rigolos de service. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que ils ont leur moment badass dans leur film, ce qui est logique. Même si voilà, le film tend plus à faire de l'humour et tout, mais tu fais putain les gars, c'est pas obligé que ce soit que de l'humour. Enfin, il y a pas. Drax, c'est un peu lourd, je trouve, à certains moments. Tu vois, non, mais même ce moment-là où il y a le. Par contre, leur arrivée dans le film, avec le. Elle est folle. Avec la bande son et tout, elle est. Ouais. Et Thor qui arrive. Non, mais c'est vrai que c'est... Non, mais ils ont que des vannes, les gars. Parce qu'ils ont une discussion sérieuse, Gamora et Star-Lord, et juste après, tu vois l'autre. Je suis l'homme invisible. Putain, mais les gars, t'essayes d'installer un petit peu de dramaturgie, de trucs comme ça. Il parle quand même de la buter quand même, parce qu'elle a des infos essentielles. Et l'autre, c'est. Eh non, je suis invisible. Bah, super, merci connard. Et je suis du même avis aussi pour Thor Ragnarok. Ils ont voulu vraiment partir sur de la comédie. Ouais. Et du coup, c'est quand même un autre cadre un petit peu. Tu le prends à part. Ragnarok, il est très bien. Mais tu l'intègres dans le cinématique univers, tu fais. C'est vrai. Oh, il fait tâche. Ouais, mais après quand tu c'est, je pense que c'est au niveau de la réal parce que le premier c'est Kenneth Branagh donc c'est acteur qui est énorme enfin je trouve c'est que c'est acteur de théâtre machin qui a joué Gilderoy Lockhart machin et vraiment tu sens que il y a une influence théâtre derrière tout ça avec Asgard le 2 je ne sais plus qui c'est nul. Il est Thor 2, il est là nul. Il est nul, mais il a le mérite d'intégrer une nouvelle pierre de réalité. Oh, génial. Mais bon, il fallait bien. Mais après, Thor 3, c'est Taika Waititi. Voilà. Qui, du coup, est un réalisateur surtout de comédie, en fait. Il a fait Vampire en toute intimité, qui est excellent. Thor, c'est tellement serious business. Les deux premiers et le troisième, tu fais vas-y, l'anus du diable. Ah ok, d'accord. Moi, de ce que j'ai lu, c'est Chris Hemsworth himself qui aurait été déçu lui-même du 2 et qui aurait dit faut remonter un peu en gamme Thor en ramassant plus de public, en partant un peu plus sur la comédie. Alors, c'est clair qu'ils ont ramassé plus de public, mais moi, ce que j'ai lu, c'est aussi que Thor, c'est un petit peu plus de 50%, quasiment 80% du film qui n'était pas forcément écrit et où c'était des improvisations de Chris Hemsworth. Le premier Le 3. Ah, le 3. Le 3. C'était 80% du film, c'était vas-y, improvise ton texte. Mais non, mais il y a des moments qui sont géniaux. Bon. Dans Thor, Ragnarok, tu vois Hulk qui arrive normalement en mode badass à la fin du film, ouais, et qui s'écrase comme une merde. T'entends le POUM et il retombe dans le fleuve avant de remonter. Oui, mais. T'as plein de moments mais de je blanc. Veux dire, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait marrer. Mais en dehors ça dénote par rapport à Thor et Thor 2, quoi. Ouais, en dehors du c'est MCU, pas, pour moi, c'est pas cohérent. L'univers, l'atmosphère qu'ils ont instauré avec Thor. Il est cohérent avec Thor 2, mais il est plus cohérent avec Thor 3. Oui, Thor 3, tu fais allez, vas-y, bats les couilles. Oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est un problème dans le MCU. Tortue, Thorgal, vas-y, ouais, t'en as un autre. Tortiflette. Ouais, okay. allez, si ça passe. Thorboyau. Thorboyau, oui. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de oui, d'Infinity War parce qu'on a beaucoup rigolé. Enfin, mais en fait, Thomas et Arthur ont beaucoup rigolé. Nous, on a donné notre avis avec Erwan, donc maintenant c'est à vous. Et ben en fait, Infinity War, je trouve que ça reste un bon film, il est cool, mais c'est vrai que tu as beaucoup d'informations dans ce film. Mais c'est normal parce que vu le nombre d'héros et tout, et d'intrigues aussi en même temps qu'il y a dans ce film, il y a beaucoup d'intrigues en parallèle. T'as beaucoup d'informations, mais bon, ça se regarde. Puis ils ont réussi à susciter une attente qui claque quand même par rapport à Endgame. Ah oui, c'est clair. Parce que de toute façon, si, à partir du moment où ils avaient décidé de séparer en deux les films, fallait qu'ils... Mais après, même deux heures et demie, t'as aucun temps mort. Et puis après, tu dis que y a beaucoup de héros, machin, tout ça. Oui, mais il n'y a pas besoin de les présenter, en fait. On les connaît déjà, ces mecs-là. Donc c'est juste, allez, tu présentes un petit peu Thanos, machin, même si tu l'as déjà un peu vu, tu sais à quoi t'attendre. Mais normalement, tu connais les héros, donc t'as pas besoin de les présenter. Donc voilà, c'est pas. Après, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient un peu pas très logiques, mais vous allez peut-être pouvoir me donner une explication. Vas-y. C'est que, genre, tous les héros s'amènent à être réunis au Wakanda, par hasard, donc sur les terres de Black Panther. Mm-hmm. À part Thanos, le seul truc qu'il veut, c'est débarquer pour pouvoir écraser tout le monde. C'est-à-dire que le Wakanda, c'est pas quand même réputé pour être hyper peuplé. Hein. C'est-à-dire que quitte à faire des dégâts, autant arriver direct à New York ou autre. Mais non, il veut pas faire des dégâts. Lui, il veut récupérer les pierres de l'infini, c'est tout. Il veut récupérer celle de Vision. Sa motivation, en fait, là, quand il arrive au Wakanda, s'il a toutes les pierres d'infinité, il lui manque juste celle de Vision. Il sait que, comme il est quasiment omnipotent à ce moment-là du film, il sait que... il sait que Vision il est au Wakanda, donc il se dit bah allez direct Wakanda, comme ça je vais pas me faire chier à aller à New York tout péter ensuite venir j'ai pris le EasyJet, il fait allez hop on y va. Uber, il y a une bouteille d'eau si vous voulez. Il aurait pu avoir un endroit plus classe pour une bataille qu'une plaine. Non, je trouve justement ce que ça change et ça rappelle Black Panther qui était un très bon film. C'est vrai que ça change, mais après on l'a déjà vu dans Avengers 1, la destruction à grande échelle. Et puis ça aurait pas eu. Il y a une explication aussi, c'est qu'au Wakanda la technologie est beaucoup plus avancée que dans le reste du monde, et pour décoller la pierre d'infinité de Vision, il y a que le Wakanda où ils peuvent éventuellement le faire. Il y a que la petite sœur de Black Panther qui est plus intelligente, je pense, voire même aussi intelligente que Tony Stark et Bruce Banner réunis. Ah oui. Il fait ah ouais, c'est un peu pété. En plus, elle dit des blagues. Tu fais sérieux. Ouais, d'accord. Donc toi, tu vas être le prochain Iron Man parce que c'est arrivé dans les comics. Hein. Enfin, pas forcément elle, mais c'était une jeune fille black qui était Iron Man pendant un moment. Donc voilà, peut-être petite. Apprendre ou laisser, hein, peut-être. Arthur. À moi. Bon, apprendre ou à laisser Arthur. Voilà. Allez, je vais les boîtes. Le Poitou-Charente. Non, pour venir. Un tapis de sol. Pour venir à Infinity War, pour moi, le gros problème qu'il y avait à avoir, c'était comment gérer tous les Avengers. Comment ils allaient pouvoir redistribuer entre guillemets le temps de parole. Et il réussit haut la main. C'est d'une fluidité impressionnante. Les scènes de combat sont dinguissimes. C'est vrai que ça, c'est. Pour moi, la meilleure scène de combat, c'est celle du début avec Doctor Strange et le sous-fifre de Thanos. Ouais. Hein moi, j'ai préféré celle de Titan parce que les héros se connaissent pas, parce que t'as les gardiens d'un côté et t'as Strange, Spider-Man et Tony Stark de l'autre. Et en fait, ils font un plan, mais à la va-vite. T'as Thanos qui arrive, c'est le moment où faut pas se louper et il se loupe pas. T'as quand même deux Doctor Strange qui balancent des trucs pour que Star-Lord puisse marcher dessus. Et puis puisse tirer dans la gueule de Thanos. Oui, ce que je veux dire, c'est que la finalité du combat, elle est toute pourrie. L'autre, il provoque Star-Lord qui fout un coup de poing et voilà. Échec du combat. Enfin, je trouve. Bah oui, mais sinon, il n'y aurait pas eu Endgame. Mais oui, non, mais c'est pas ça. Mais je peux dire que la finalité du combat est. entre guillemets, mal faite. Parce que moi, si je paye autant pour faire 45 minutes de film, je l'ai un peu mauvaise quand même. Non, non, c'est pas ça. C'est que pour moi, la première bataille entre Doctor Strange et le Soufis, alors j'ai plus le nom exact. Didier. C'est Michael, Michael Jordan. C'est un des membres de l'Ordre Noir. Voilà, Voldemort, on va Didier, hein. Didier ou Patrick. C'est ouais, un des deux. Voilà. Patoche, en fait, je crois que c'est le frère, Patrick. Pas tout. Je trouve tellement ingénieux en fait, dans la façon de filmer parce que tu vois qu'ils utilisent vraiment toutes les possibilités du décor qu'ils ont. Hop, je prends une voiture qui transforme sa tac, ça ouais. C'est du tac au tac ouais. En fait, ils réfléchissent pas, ils improvisent vraiment défense attaque, c'est du ping-pong et je trouve ça vraiment bah, du coup en beaucoup moins chiant. Non non, mais en slice leaf. Je crois que c'est presque en plan séquence en plus non. Mais moi. Ah non. Non, non, non. Non mais presque. Non, t'as vraiment un champ contre champ sur les deux protagonistes et puis c'est allez bim bim bim bim bim. Voilà. Il y a pas non, de mais... pour moi il y a pas moi, de pour moi c'était ma scène préférée de combat. Moi au niveau des effets spéciaux, il y a un moment, je sais pas si ça vous a pas gêné, mais c'est au début quand Thanos prend Thor. T'as Thor qui met ses mains sur les doigts de Thanos et en fait tu vois que la main passe un peu à travers oui, tout ça. Je peux faire gaffe. Oh, eh oui, mais oui, mais la manie des détails. Écoutez, qu'est-ce moi, que vous moi voulez. Si je peux me permettre, c'est le seul super-héros qui me dérange. Moi, c'est Doctor Strange. Franchement, j'ai du mal. Je galère toi, à comprendre ses pouvoirs. C'est le seul mec qui se rapproche un tant soit peu des comics. Et là, tu viens me dire quoi? Mais coup de tête balayette, mon vieux. Alors non, mais non, en Doctor fait, c'est Strange, que j'ai du mal à comprendre ses pouvoirs. Il est classe et tout. Il est vraiment badass et tout. Mais enfin, c'est pas simple. Les dimensions et tout, c'est. Ouais. Moi, Doctor Strange, ce que je trouve ouf, et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement avant, mais je l'ai vu depuis, j'ai vu traîner ça sur Facebook, c'est que le mec, il combat Thanos, à aucun putain de moment, il utilise sa pierre. Le gars, il va juste regarder les possibilités qu'il va y avoir de futur, et mais à aucun autre moment, il utilise la pierre comme il fait dans le premier Doctor Strange, où quand même, il est face à Dormammu, et que ça pue un peu du cul. Parce qu'il sait que c'est inévitable. Oui. Il le sait, et justement il le dit, j'ai vu toutes les façons de comment essayer ça de gagner, ouais, il n'y en a qu'une. Non mais, je suis d'accord, mais à aucun moment il n'utilise sa pierre quand même. Mais oui, mais je pense parce que dans les toutes les alternatives, à chaque fois où il utilise la pierre, il perd en fait. Et c'est là où c'est ça qu'il explique justement, c'est que s'il avait utilisé la pierre, toutes les alternatives qui existaient, toutes les futures possibles, ils auraient été au même endroit, échec et mat. Il claque ou pas, je me souviens plus. Il claque ou pas, Docteur Strange? Oui. Oui, il claque, ok. Et oui, c'est le dernier truc qu'il dit avant de partir. Il regarde Tony Stark et dit c'était le seul moyen. Donc je sais pas comment il dit en anglais. Et après il dit It was the seul moyen. We were in the end game now. Disparition. Fait très très mal le bruit de disparition. Ouais. Non, j'ai plus l'impression qu'il part en courant derrière un meuble. Il se cachait en non. Caméra. Oui. Et j'ai pas fini mon analyse. Non, pour moi bah aussi. Excuse-nous, hein, on n'a pas rigolé nous de tout à l'heure. On nous a teasé un grand méchant et là on voit vraiment que c'est le boss final de la phase presque. Là on se rend vraiment compte. Bah, c'est le boss final du MCU. Il balaye Thor d'un coup de main. Tu es wow. Il balaye Loki. Bon, il est un peu moins fort, certes, mais il est malin, Loki. Ouais. Il te le brise en deux. Hulk. Est-ce qu'il est mort? Est-ce ouais, qu'il est pas mort? Oui, enfin bref. Dans le film, il est montré mort. Hulk, il te le met en. C'est un CP, Hulk, quoi. En quand, face tu vois, quand tu vois le traitement, tu fais. Ouais, Thanos, c'est un CM2 et l'autre, c'est un CP. Tu fais. Mais ouais, tu voilà. Reviendras plus. Voilà. Il revient et il affronte les gardiens et te les pulvérise comme pas possible. Mais il joue avec eux, en fait. Il arrive après sur le Wakanda, il te défonce tout. Il joue contre. Il y a quand même Captain America qui arrive quand même un petit peu à lui tenir tête. Hein. Ouais. Le gars, tu fais. Bah si, un petit oui, peu. Oui, oui. Le gars, il a quand même 4 putains de pierres. Le gars, il arrive à tenir sa main. Tu fais, oui, oui. Bah, c'est-à-dire que comment? Oui, non, mais voilà. En fait, on voit vraiment la puissance de Thanos et avec ses pierres. Et ça, c'est vachement réussi. Et on arrive à comprendre son envie d'éliminer la moitié de la population. On arrive à comprendre. Alors, pourquoi. Non, non, pas forcément. Je trouve que c'est. Alors, c'est un peu mal expliqué, mais j'ai envie non, de te oui, dire. S'il peut faire tout ce qu'il veut avec ses putains de pierres, pourquoi au lieu de détruire la moitié de l'univers, il crée pas deux fois plus de ressources? Parce qu'il peut pas. Bah si, s'il fait ce qu'il veut avec les pierres. Il ben a non. La pierre du temps, pierre de l'infini. Enfin, mais il est pas là pour être gentil. Il peut pas créer. Mais bon, il aurait pu le faire. Non, bah non, oui, il peut pas créer de la matière. S'il peut pas avec créer... la pierre de la réalité. Ben non, parce que c'est une illusion. Ouais. Il peut la changer. Mais il peut changer l'illusion, mais pas la réalité. Non, non, et je trouve ça louable comme intention de sa part. Je la cautionne pas, hein, perso. Ah, si, si, moi, si, si. Eh bien, tu es un nazi. Non, non, mais au moins, on comprend et on sait pourquoi il a fait ça. Parce qu'il a perdu sa planète, il a perdu toute sa population à cause de ça. Donc, il a un vrai but. Puis il a un double menton, mon pote. Moi aussi, je serais énervé. Hein. Non, non, par contre, ce qui m'a saoulé un petit peu, c'est dans les combats, c'est le fait qu'ils utilisent pas vraiment les pierres à leur plein potentiel, quoi. Oui, non, genre, c'est clair. C'est ou alors ils s'amusent vraiment. Ils s'amusent, mais c'est vraiment genre c'est un jeu de récré. Genre il vient d'avoir le dernier Rubik's Cube et puis voilà, c'est tout. Non, mais il a un Monster Calo et puis il joue aux billes, quoi. Il roule sur tout le monde. Si, il y a juste quand il combat Iron Man sur Titan, où vraiment là il fait péter des lunes de Titan et tu fais. Ah merde, ça pue un peu. Peut-être pas faire le malin dans l'entendre nous. Non, et puis là, le film pose vraiment ses balls sur la table, c'est qu'il tue Gamora, enfin, Thanos sacrifie Gamora, tu fais « Ah, quand même !» Et puis trois interprétations, on a balls, testicules, couilles. Voilà. Chacun Thomas. La sienne, à Thomas. Toi. C'est Pinaki Balls. Baloche. Baloche, allez. Non, et puis voilà, la fin est vachement osée, tu fais mourir Spider-Man, la moitié des Gardiens de la Galaxie. Non, la fin n'est pas osée. La fin pour moi n'est pas osée parce que oui, ok, tu fais mourir tout le monde. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont fait, Marvel ? Alors, les prochains films après Avengers, après Avengers Endgame. Ça, c'est très critiquable. On va faire Spider-Man. Non, mais t'es con, il est mort. On va faire Les Gardiens de la Galaxie 3. Ok, super, merci. Non, mais d'accord. Je l'ai critiqué en plus dans une précédente émission, ça. Oui. Mais en tant que film, quand tu sais pas, c'est vachement osé de faire mourir tout le monde. Surtout Black Panther, tu fais. Oh putain, il est pas resté longtemps celui-là. Oui, il est pas resté longtemps. Samuel L. Jackson. Quicksilver. Waouh. Tu fais machin. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Quicksilver aussi. Non, mais t'as plein de héros d'Avengers même carrément qui meurent. Mais c'est vachement couillu. Il y a aucun Avengers qui meurt. Hein. Ah bon? Non. Pas Iron Avengers Man, il meurt pas. Hawkeye. Oui, mais pas les originaux. Il meurt pas. Non, mais pas les originaux. Il y a que. Enfin, pour moi, les Avengers, c'est les originaux. Star-Lord meurt. Oui, mais il fait Rocket pas partie meurt. Des Avengers. Gamora non, Rocket meurt. Meurt pas. Non, Rocket meurt pas. C'est le seul des gardiens. C'est le seul des gardiens qui meurt pas. Groot. Ouais, Groot meurt. Enfin, d'ici les trois quarts de Gardiens de la Galaxie, tu fais ah ouais, quand même, c'est osé. Oui. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais après, oui, c'est vrai qu'au niveau des Avengers originaux, il y en a. Et c'est là que tu dis, c'est intéressant, t'as envie de voir comment ils vont réussir. Le mec est tellement badass, tu fais comment ils vont pouvoir faire. Et c'est intéressant, le cliffhanger qu'ils ont fait est très bien en plus. La fin où tu vois Thanos se reposer, et là, générique, alors, tu fais. J'avoue que je me suis pris une claque dans la gueule parce que j'ai regardé et je fais. Ouais, ok, d'accord. J'ai même pas vu le temps passer. Pourtant, le truc dure 2h30. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis dit, ok, va y avoir une suite et tout. Je sais pas, au moins un petit truc qui fait que ils vont commencer à avoir le début de la solution qui amène le prochain film. Et là, tu le vois juste assis. Il fait. Enfin, tu fais, oh putain, les cons, ils ont fait. Ah oui, ils l'ont fait. Et là, tu fais, wow. Bravo. Mais déjà, je trouve que dès les premières minutes, ils posent leurs couilles sur la table. Coucou, tu connais Loki ? Tu aimes bien oui, Loki ? Voilà. Au revoir, Loki. Ah bon, d'accord. Ouais, okay. Mais en soi, pour un film de cette envergure, en 2h30 déjà c'est short. D'ailleurs, je crois que c'est annoncé que Endgame risque d'être assez long. C'est pas que c'est, bon, c'est assez long. Non, c'est pas minimum 2h30. Le film dure officiellement, générique compris, 3h. Ouais, voilà. Oui, donc minimum 2h30. Ouais, mais donc c'est vrai non, que sur c'est un... plus. Non, c'est plus. Sur un film de 2h30, t'étais obligé à un moment de. Enfin, tu peux pas éterniser autant sur l'intrigue et tout. Oui, mais après, je trouve que c'est quand même cool parce qu'en plus, ils ont dit que les héros, que Loki était vraiment mort, il n'y avait pas de possibilité. Parce qu'on sait tous ce que c'est une mort dans les comics, hein, c'est l'équivalent d'une vilaine grippe chez les humains. bah non, mais parce que les gars, c'est ah bah oui, mais on l'a tué, mais il était populaire, ah bah on le fait revenir. Bah ok, cool. Non, voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est très critiquable le fait que Marvel ait annoncé les suites après Endgame avec. Tous les autres Avengers qui reviennent normalement, là c'est dommage. Voilà, c'est le seul point négatif pour moi de Infinity War entre guillemets parce que faut voir Endgame à la fin. Oui, ouais. Oui. Alors oui, c'est vrai. Tant c'est que t'as vrai pas vu Endgame, tu peux pas juger Infinity War. On fait des critiques sans avoir vu Endgame, qui est quand même voilà, je pense qu'on peut pas trop dissocier les deux films. Si Endgame est pourri, Infinity War sera pourri. Comme Aladdin et Aladdin de toute façon. Mais exactement. Comme la Baltre 1 et la Baltre 2. Non, j'ai tenté. Et là, ça marchait pas du tout. Il y a pas le truc. Est-ce qu'on passerait pas aux anecdotes à picorer? Oui, totalement. Oh là là là là là. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, au niveau des anecdotes à picoré. Bah, déjà, c'est Josh Brolin qui joue le rôle de Thanos. Hein, voilà, ça, tout le monde le sait. Hein, celui-là. On picore pas beaucoup, ça. Hein ? On picore pas beaucoup. Oui, bah, deux secondes. Tom Holland, donc, qui joue Spider-Man. Fils de François. De François Holland. Qui est juste énervant pour moi, c'est le point noir aussi de Avengers. Enfin, du MCU. Spider-Man, il est d'un nul. C'est pas... Alors, oui, mais ça, c'est parce que t'as pas aimé le premier film, peut-être. Enfin... Oh, même dans Infinity War, je trouve qu'il est insupportable. Oh, ça va. Moi, je trouve que ça passe. Il s'améliore. Moi, je trouve qu'il s'améliore. Il s'améliore, c'est vrai. Mais du coup, cet acteur-là, il a pas eu accès au script complet parce qu'il s'est pas gardé un secret. En fait, dès qu'il est dans une interview, c'est comme Mark Ruffalo. Il spoil genre, tout. Genre, le mec, il spoil tout. Il y a une interview avant la sortie d'Infinity War. Il dit. Enfin, il a dit ah oui, non, mais vous allez voir, je vais mourir dans le film, mais je vais revenir à la fin. Mais ta gueule en fait. Je vais revenir parce que on a signé Spider-Man 2 et 3. Et ben voilà. Je suis débile. Non, mais c'est comme Mark Ruffalo qui était à l'avant-première d'Avengers Infinity War pour les acteurs et du coup, il a pas éteint son live Instagram. Donc tous ceux qui le suivaient en direct ont pu voir les 20 premières minutes d'Avengers Infinity War. Waouh. Tu fais ah shit. Bon, ça, c'est une gentille bourde. Bah, c'est une gentille bourde, mais quand même, tu fais... Pff, il a aussi spoilé des trucs dans les interviews. Ouais, j'ai vu les spoilers. Mark Ruffalo. C'est les deux où tu fais... les bandes-annonces, on va parler des bandes-annonces, parce que on a tous vu ces bandes-annonces où on voit Hulk courir gentiment, gambader dans les plaines du Wakanda, mais c'est pas dans le film. Mais il faut savoir que les producteurs Anthony et Joe Russo, ils mettent à chaque fois des bandes-annonces fausses. Donc toute la bande-annonce de Endgame que vous avez pu voir, soit elle se base sur les 15-20 premières minutes du film, mais c'est tout, vraiment, soit les images que vous avez vues ne sont pas dans le film parce qu'elles sont fausses. Je crois même que c'est Mark Ruffalo qui a dit « je sais pas ce que c'est la fin, j'en ai tourné 6 différentes ». Voilà, il sait pas quelle fin il va y avoir, il en a tourné 6 différentes. D'accord. Ça, de toute façon, c'est comme des grosses entités comme Game of Thrones, t'es obligé de garder un minimum de secrets. Ah oui, c'est clair. Mais sauf que Game of Thrones, où ça peut un petit peu, où il y a des petites fuites, des trucs comme ça, je trouve que la machine Avengers, c'est plutôt. Enfin, la machine Marvel est plutôt pas mal huilée. On n'a jamais eu vraiment de gros spoilers révélés, à part de la part de Tom Holland et de Mark Ruffalo. C'est Disney derrière. Tu fais une bourde, je veux dire que t'es convoqué devant les grands patrons, et tu viens chercher ton chèque et au revoir. Enfin, t'as pas été chercher ton chèque, je ne suis pas sûr, même pas. Oh, si. Au moins, tu prends le costume, quoi. Mais... Ouais, voilà, c'est ça. Je peux prendre le costume, même pas, d'accord. Bon, pourtant, 25€, ça va, c'est pas. Il y a une référence qui est faite à Avengers par Loki au tout début. Est-ce que vous l'avez ou pas ? Non. C'est une référence qui boucle la boucle, on va dire, pour le personnage de Loki. Parce que quand il regarde Thanos, il lui parle et lui dit. Il lui dit nous avons un Hulk, donc la phrase prononcée par Tony Stark dans Avengers. L'œil maintenant que Rocket donne à Thor, eh bien c'est l'œil qui vole un personnage dans les Gardiens de la Galaxie. Donc on a déjà vu cet œil avant dans le MCU. C'est pas un œil qui sort comme ça directement. Salut, t'as vu, j'ai l'œil en poche. Tiens. Voilà. Qu'est-ce qu'il est drôle ce Groot aussi dans Gardiens de la Galaxie 2. Ouais. Toujours, très mais bon, le très duo Raccoon Groot, je trouvais très très bon. Moi, ce que je trouve génial avec Groot, c'est vraiment que c'est un personnage qui dit juste je s'appelle Groot. Et les Gardiens, ça fait tellement longtemps parce que dans la timeline, je crois que les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 se passent dans les années 80, un truc comme ça, ou 90. Avec 6 mois d'écart entre les deux, et dans Avengers Infinity War c'est vraiment 2018, donc les gars ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont ensemble. Il me semble, parce que quand il est petit, Star-Lord, il est petit de la Terre, il part des années 80 et on le retrouve grand, donc je pense qu'il y a une vingtaine d'années au moins, donc je pense oui il y a une vingtaine d'années 2000, non mais je veux dire ça fait au moins 5-6 ans qu'ils sont ensemble. Et t'as tout le monde qui comprend Groot de toute façon. Il y a la relativité temps qui s'applique quoi qu'il arrive, et du coup ça peut aussi expliquer pourquoi ils sont restés plus longtemps ensemble. Mais je trouve ça juste excellent parce que le gars dit juste je s'appelle Groot, et waouh, mais ça va pas de parler comme ça. C'est très très il a juste dit je s'appelle Groot en fait. c'est vrai. Et du coup j'ai trouvé ça très très marrant. Ça c'est une petite anecdote, mais c'est plus dans les Gardiens de la Galaxie. Sur les scripts de tout le monde, il y a marqué je s'appelle Groot pour quand le personnage parle, mais lui Vin Diesel il avait vraiment les phrases. Donc comme ça, il pouvait mettre une petite intonation. Il peut intonner et tout. Il pouvait faire une petite intonation. Ouais, et cool. D'ailleurs, au départ, on ne devait pas avoir « Je s'appelle Groot, c'est une faute de traduction ». Au départ, ça devait être « Je m'appelle Groot » et c'est lui qui a dit « Je s'appelle Groot » et tout le monde a fait « C'est génial, t'es un génie ». Ouais, parce que je crois qu'il le fait vraiment dans toutes les langues, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça. Oui, si, il le fait dans toutes les langues. Enfin, t'es Vin Diesel quand même, c'est pas non plus. Enfin, mais voilà. Bon, bah là, je pense qu'on a donné toutes les clés à nos auditeurs pour aller voir Avengers Endgame. Oui. En effet. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce format, ce nouveau format, peut-être C'est un peu spécial. Un peu exceptionnel, quand même. Format un petit peu exceptionnel, il est vrai. Mais ça on nous a fait plaisir. On a aussi beaucoup digressé. Là, je suis en train de regarder, on a plus d'une heure et demie d'émission, les gars. En tous les cas. Ouais. C'était Culture Ims numéro 10 spécial Avengers. On se retrouve bien évidemment dans 2 semaines pour une émission plus classique. Oui, voilà, plus classique dans son format. On va revenir sur nos 2 chroniques, nos 2 petits billets d'humeur et le jeu. Alors, j'ai bien envie de vous dire, allez vous éclater devant Endgame. Whatever it takes. Quoi qu'il nous en coûte, bien évidemment. J'ai envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et culturez-vous. Merci beaucoup. Allez, salut. À tous.